Les titulaires sur Studek Web. Bonsoir à tous et à toutes, les titulaires, c'est la première de 2019. On est ensemble jusqu'à 19h30 et avec moi donc pour commencer cette année de sport sur Studek Web, Johan Bredov, Johan Guillet, Quentin Martel, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir capitaine. Et puis aussi également avec nous, la nouvelle recrue arrivée au Mercato d'hiver, tout frais, tout dispo pour jouer, Kevin Descarvalho. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous. Oh, il est chaud on dirait. Au programme du tennis bien sûr, avec l'Open d'Australie, les résultats du jour, l'élimination de Federer et le parcours de Lucas Pouille. En deuxième partie d'émission, à partir de 19h, on parle foot, les résultats de Ligue 1 avec le fameux derby, le carton de Paris et la nouvelle débâcle de Monaco, et bien sûr tous les résultats européens du week-end. Tout ça, c'est dans quelques minutes, mais en préambule, on voudrait quand même bien sûr envoyer toutes nos pensées à la famille d'Emiliano Sala, toujours portée disparue avec les autres passagers de son vol en direction de Cardiff. On vous tiendra bien entendu au courant de toutes nouvelles qui nous parviendraient au cours de cette émission. Pour l'instant, on garde encore espoir pour le nouveau joueur de Cardiff et pour se changer les idées, quoi de mieux que de revenir au sport. On commence tout de suite avec le journal des sports, Kevin Descarvalho. Les titulaires, le journal des sports. On commence avec la qualification des Bleus pour les demi-finales du championnat du monde de handball. Qualifié certes, mais sans jouer, en effet, grâce à la victoire de l'Allemagne sur la Croatie 22-21. On avait un peu moins de pression que d'habitude, mais comme il y avait beaucoup de suspense, on l'a vécu avec passion, a déclaré le gardien Cyril Dumoulin. Du coup, le match de demain soir contre la Croatie est sans enjeu, ce qui permettra de faire tourner l'effectif. En effet, le résultat du match permettra de savoir qui entre le Danemark, la Norvège et la Suède sur l'adversaire des Bleus. Les autres matchs de demain sont Brésil-Islande, Tunisie-Égypte, Norvège-Hongrie, Allemagne-Espagne et enfin Danemark-Suède. Ah, c'est sympa de les voir qualifiés sans jouer, mais on est impatient de les retrouver sur le terrain quand même, nos Bleus. On parle maintenant tennis avec l'Open d'Australie. Aujourd'hui, les premiers quarts de finale hommes ont eu lieu et Rafael Nadal n'a pas eu du mal à battre l'Américain Frances Tiafoe, 39e au classement ATP 3-0. Il affrontera en demi-finale l'autre vainqueur du jour, Stefanos Tsitsipas, lui qui est venu à bout de l'Espagnol Roberto Bautista en 4-7, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6. Les deux autres quarts de finale se joueront demain avec Djokovic contre Nishikori et Lucas Pouille contre Milos Raonic. Le Français s'est exprimé au micro de Eurosport au sujet de ce quart de finale. C'est génial, c'est là où je veux être, c'est dans les deuxièmes semaines, essayer d'atteindre les quarts, demi et après voilà, peut-être finale. Donc maintenant, j'arrive à prendre match par match sans me projeter. Ça va être un match très compliqué en quart contre un adversaire où il y a peu d'échanges, où c'est vraiment la capacité de retour qui est importante. Et donc voilà, il va falloir être performant là-dessus et au service. Mais je me sens bien et je suis prêt pour essayer de faire un gros match. Les quarts de finale femmes ont aussi lieu aujourd'hui avec la victoire de Kvitova 2-0 contre Barty et Collins qui vient à bout de Pavlyuchenkova 2-7-1. Les autres quarts se joueront demain avec Serena Williams qui joue contre Pliskova et Osaka contre Vitolina. Allez, on va terminer avec du foot et ma compétition préférée, les premiers matchs des 16e de finale de la Coupe de France qui ont lieu en ce moment. Et oui, c'est le retour de la Coupe de France et en ce moment même, il y a 4 matchs en cours. Andrézieux, le bourreau de l'OM contre Lyon-Duchère, Nancy-Guingamp, Toulouse-Reims et Villefranche-les-Herbiers. Et les deux autres matchs de la soirée sont Monaco-Metz 7 contre Lille à 21h. Merci Kevin et comme tu l'as dit, la grosse actualité du jour, c'est bien sûr le tennis et l'Open d'Australie. Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant en 3-7 contre Tiafoe. Un Nadal toujours aussi impressionnant. On peut, je pense, parler de favori, Yann. Ouais, favori, 30e demi-finale. Après, ça joue avec Djokovic. L'Open d'Australie, ce n'est pas non plus un tournoi qui réussit beaucoup à Rafa, qui a fait une seule victoire, hein, c'était en 2009. Il a fait 3 autres finales en 2017, 2014 et 2012. Mais voilà, c'est peut-être le tournoi du Grand Chelem qu'il gagne le moins, en tout cas. Alors parler de favori c'est un peu compliqué mais en tout cas il est en forme, hein. Tout va bien, les genoux, les abdominaux, tout va bien pour l'Espagnol et on espère que ça va continuer pour lui. Un Nadal sans blessure, c'est un Nadal qui peut aller au bout, Yann ? Ah bah évidemment, ça je pense que c'est une surprise pour personne. Rafael Nadal depuis le début du tournoi n'a pas perdu un seul set et il me semble qu'il a été poussé une seule fois au tie-break. C'était contre Berdych je crois, contre Berdych en 8e il me semble. Donc Nadal est actuellement au top de sa forme. Maintenant, il y a également le Joker qu'il ne faut pas oublier. Et pourquoi pas une petite surprise de Raonic. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et puis, on n'espère pas, bien sûr, cette surprise. Évidemment. Évidemment. Mais bon, ça a quand même des chances d'arriver. On va quand même rester, bien sûr, sur ce qui s'est passé un petit peu dans tout ce tournoi. Avec des gros qui ont été présents à l'image de Nadal, d'autres qui ont déçu. En final, on se retrouve avec un tableau assez équilibré sur ces cas. Ouais, c'est équilibré et surtout la poussée de la nouvelle génération. Hein, Tsitsipas qui va jouer d'ailleurs contre Rafa. Il a quoi ? Il a 20 ans, 21 ans. 20 ans. C'est lui qui a gagné le tournoi Next Gen, le Master Next Gen l'année dernière, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être un duel de la nouvelle génération qui peut-être pourrait prendre la place de l'ancienne à l'image de Rafa Nadal. On le rappelle, un Tsitsipas qui s'est donc imposé contre Bautista Agut en 4-7, Quentin. Oui, et puis c'est aussi un petit peu, j'ai envie de dire, cette année, la magie du tennis. C'est que c'est vrai qu'avant, dans le dernier carré, ou quand on arrive même au quart de finale, on a toujours les mêmes têtes qui revenaient avec Federer, avec Nadal, avec Djokovic, avec Murray aussi. Là, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui pousse et au final, ça apporte un petit peu de diversité au final, dans les dernières échéances d'un grand chelem. Mais est-ce que l'un des membres de cette nouvelle génération, au final, peut peut-être percer vraiment et pousser les autres? Parce qu'on voit qu'on a eu plusieurs espoirs. On a eu d'abord Tim, qui est toujours un peu présent, mais qui est parfois en difficulté. Ça reste un espoir quand même. Ça reste un espoir, oui, bien sûr. Mais on a Zverev aussi qui peine à confirmer. Est-ce qu'on va enfin avoir un monstre, on va dire, s'imposer, comme on avait Federer, la grande époque de Federer? Il a été relevé un peu par Djokovic. On avait Murray qui a pris le relais pendant un moment, même si là, il va prendre sa retraite. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de joueur de cette envergure qui pousse derrière. Je pense que c'est surtout un problème psychologique, dans le sens où, à partir du moment quand tu es dans un grand tournoi et que tu as des pointures comme Federer, comme Nadal et compagnie, tu peux ressentir, surtout quand tu es jeune, je pense notamment aux petits jeunes de 20 ans, là, tu peux ressentir un petit complexe d'infériorité parce qu'ils en imposent de par leur palmarès, de par leur présence sur le terrain. Donc avec ces pointures-là qui reculent un petit peu en termes de performance, hormis Nadal, ça peut potentiellement les pousser à l'avenir et les forcer à se montrer aussi de plus en plus. Alors je suis pas complètement d'accord avec toi parce que Tsitsipas, je pense qu'a prouvé l'inverse contre Roger, mais on en reparlera après. Là où il y a un problème mental, il y en a un qui en a un gros, c'est Zverev. C'est Zverev qui n'a pas passé un seul quart de finale en Grand Chelem et c'est incroyable parce que alors il a un bon niveau en plus. Oui, il a un bon niveau, mais dans les tournois en 2-7, les Master 1000 en 2-7 gagnants, il est là, il en a gagné. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dès que c'est en 3-7 gagnant. Là, il y a un problème de mental. Tu parlais de Tim Antoine. Tim a quand même fait déjà une finale à Roland-Garros. Bon, oui. Il a joué contre Nadal. Il a joué. Torché. Mais il en a quand même joué une. Et ça c'est pas peu dire. Mais après, je pense que c'est tout simplement, au-delà d'un niveau mental défaillant, c'est un niveau de talent. Tout simplement, voilà, il y a une génération magique avec ce quatuor Murray, Djoko, Federer, Nadal. On peut même rajouter d'autres joueurs qui auraient fait une bien meilleure carrière. On peut penser aux Français, hein, aux 4 mousquetaires, Gilles Simon, Monfils, Tonga et Gasquet. C'était des hauts talents. Wawrinka qui est blessé, qui revient. Del Potro. Voilà, c'est une génération quand même qui est extrêmement forte. Et je pense que c'est juste au niveau de jeu. Mais il faudra attendre que cette génération la passe pour que les jeunes aillent au bout de leurs rêves. Est-ce qu'on a vécu l'âge d'or du tennis? Parce qu'au final, on a vu des grands joueurs déjà. On a vu McEnroe, on a vu Borg, on a vu Noah aussi en France. Mais j'ai l'impression qu'on a une collision de gros joueurs là, qui est arrivée sur cette époque. On est en train d'arriver malheureusement sur la fin, même si je pense qu'il y a encore au moins 2-3 ans, peut-être un petit peu plus avant que les joueurs comme Nadal ou Djoko commencent à baisser. Mais est-ce qu'on va revivre une génération comme ça dans les prochaines années? En tout cas, j'ai l'impression que le vivier, il n'est pas à ce niveau-là. Enfin, il y a un moment où forcément, on va forcément revivre... un âge d'or du tennis, il y en a eu plusieurs, il y en aura d'autres. Là, forcément, c'est exactement ce que dit Johan, c'est cyclique. Là-dessus, c'est clair et net qu'on a eu le droit à quatre monstres, à trois gros monstres et un autre, un petit monstre, on va dire, Andy Murray. Mais c'est compliqué toujours, je pense, dans tous les sports, de manière générale, c'est compliqué pour une nouvelle génération de prendre la relève d'une génération aussi forte que celle-ci, en fait. Ce n'est pas n'importe qui. Je pense que tout le monde aura sa larmichette lors du premier tournoi où il n'y aura aucun des quatre monstres qu'on vient de citer. Bah même déjà quand il y en a un qui va partir, déjà Murray, on l'a vu avec Murray. Déjà c'est... Ouais, Murray, ça fait mal déjà. Puis Federer, quand il va partir, je pense que ça va faire quelque chose. Ouais, bah Federer, oui, on peut en parler si tu veux, même maintenant. Mais oui, il devrait partir en 2020. En tout cas, il a dit qu'il voulait jouer les JO et il devrait partir l'année prochaine. Mais lui, bon, on s'y attend un peu plus. Il a l'âge pour partir, et voilà. Mais après... c'est les trois derrière, voilà, là ça va commencer à faire très très mal. On en parlera bien sûr de Federer un peu plus en détail tout à l'heure, juste un petit mot quand même chez les femmes, avec Kvitova et Danielle Collins qui sont qualifiées. Danielle Collins, 25 ans, elle n'avait jamais gagné de match sur le circuit principal, c'est sa première demi de Grand Chelem, c'est une surprise quand même de l'avoir là. Ouais, c'est une grosse surprise, comme tu l'as dit, jamais un match sur le circuit principal, et je vais te donner une info comme ça, en un an, elle est passée de la 162e place à la 35e. Et elle sera au minimum 23e à l'issue de l'Open d'Australie. Belle performance. Ouais, et là, elle affrontera Kvitova, 6e mondiale. Kvitova qui peut devenir numéro 1 mondial parce qu'Alep, c'est sûr, elle ne le sera plus lundi prochain. Et Mladenovic ? Bah, elle est en finale du double. Hein. et voilà, elle est en finale du double. C'est une joueuse de double. Hein. Sinon, elle perd au premier tour. Mladenovic, ça va devenir notre Nicolas Mahut féminin. Ouais, c'est un peu ça. Dommage. Et encore, Nicolas Mahut a gagné des tournois. Oui, tu me diras, ouais. Et après, dans l'autre demi-finale, on a bien sûr un Serena Williams. Est-ce que ça peut être le barreau d'honneur aussi pour elle? Parce que mine de rien, elle aussi, au niveau féminin, on arrive sur la fin. Ouais, on arrive sur la fin, mais bon, elle est encore au-dessus de tout le monde. Hein. Elle est tête de série 16, là, parce qu'elle était enceinte l'année dernière, pardon. Et, par contre, elle est toujours aussi forte. Hein. Elle a quand même battu Alep, numéro 1 mondial. Elle a battu Eugénie Bouchard. Non, Serena Williams, je pense qu'on peut compter sur elle. Allez, pendant 2-3 ans encore. On verra ça dans le futur. En tout cas, donc ce qui est une surprise, on en a parlé un petit peu, c'est l'élimination de Roger Federer par Tsitsipas. Est-ce que ça sent la fin pour le Suisse? On en parle tout de suite après ça. Écoute ta web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires sur Studec Web. Vous pouvez bien sûr réagir à notre émission sur Voxem, sur l'application. Envoyez-nous vos messages. On les lira bien entendu. Il est 18h44 sur Studec Web. On parle tennis et Open d'Australie. On va surtout parler de Roger Federer, poussé à 2 tie-breaks par Fritz, puis éliminé par Tsitsipas, on l'a dit. Sorti en demi du Master de Bercy après un gros combat contre Djokovic. En demi encore à Shanghai par Coric. Il a seulement gagné chez lui à Bâle. On le sait, on commence à se faire à l'idée, même si c'est dur, c'est bientôt la fin de sa carrière. Ça fait quand même un coup de voir Federer sur la fin, Yon. Oui, franchement, oui, je pense que c'est dur pour tout le monde. Mais bon, il a 37 ans. Il ne faut quand même pas oublier, il faut rappeler son âge. Il a 37 ans. Il marque le pas un petit peu depuis un an, Roger. Et il y a quand même cette sensation. Il a beau être plus vieux, il a beau être, on va dire, en déclin. On a cette sensation qu'il est immortel. Ouais. Il a beau être moins performant depuis un an. Lorsqu'un joueur affronte Roger Federer, il y a toujours cette chose où on se dit qu'il est favori inconsciemment. Et même s'il ne le serait pas, inconsciemment, on se dirait qu'il l'est. Donc, c'est ce côté immortel, je pense, qui fait qu'on a du mal à s'y faire à la fin d'un roi, parce que c'est clairement un roi du tennis, si ce n'est le, pour certains et pour beaucoup même. Mais voilà, alors je pense que Roger a quand même eu une belle carrière, on l'a tous bien vu. Oh, l'enterre pas trop vite, quand même. tu l'enterres pas trop vite. Je pense pas l'enterrer, mais... Il va pas non plus nous gagner les quatre grands chelems. Alors là, s'il le fait, j'arrête. C'est bon. Là, s'il le fait, je vais le chercher. Je lui dis pardon, mais mille fois. Je lui offre un kebab. Je sais pas, je fais quelque chose. Ah, mais il y a peut-être Wimbledon qui peut aller chercher. Il y en a un, c'est sûr, qui le cherchera pas. C'est Roland Garros. Ouais. Et pourtant, Roger Federer qui a annoncé qu'il sera à Roland Garros. Je suis quand même dans une phase où je pense que je dois me faire plaisir. Je peux pas dire ça m'a manqué. L'année dernière, c'était bien de pas le faire. L'année d'avant aussi. L'année d'avant, bah, j'étais blessé. Alors, de ce côté-là, j'avais juste envie de peut-être nouveau une fois le refaire. Aussi peut-être pas avoir un méga break encore une fois. J'ai pas la sensation que c'est vraiment méga nécessaire pour mon tennis. Voilà. Alors, c'était un peu décidé comme ça. Bon, on sent quand même un Roger touché, mine de rien, par son élimination à l'Open d'Australie. Mais donc, Roger, qui sera à Roland-Garros? Bien sûr, ça va faire plaisir au public français, mais ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. On le sait, un Roger qui choisissait plutôt ses tournois pour s'économiser physiquement. Pourquoi cette année, Johan? Pourquoi cette année? Moi, je vois deux raisons. D'une part, elle est symbolique, parce qu'il faut se rappeler que le seul titre gagné à Roland-Garros par Roger Federer, c'était en 2009, et ça fera donc 10 ans en 2019. Et d'ailleurs, il le dit dans cette même conférence de presse, il dit que peut-être ça serait son dernier. En tout cas, c'est le moment ou jamais de le jouer. Voilà, donc peut-être que 2020 il fera la passe. En tout cas, je pense qu'il fera la passe en 2020 pour se préparer tout simplement au JO et à Wimbledon, qui sera aussi son dernier probablement. Et la deuxième raison que je vois, elle est purement comptable. Roger Federer était tenant du titre à l'Open d'Australie. Il avait donc gagné 2000 points. Et là, il sort en huitième de finale. Huitième de finale, ça équivaut à 180 points. Donc vous faites la différence. On est à 1820 points de perdu au classement ATP. Ah oui. Et comme il n'a pas joué la saison de terre battue l'année dernière, s'il la joue là, il va forcément au moins rattraper un peu de ses points. Et on sait, le classement est important pour le tennis, pour être protégé dans les grands tournois. Être tête de série, voilà, ça vous protège et vous allez normalement plus loin. Bon, on a vu pas toujours le cas, mais en général, voilà, c'est important. Et c'est, je pense que c'est ces deux raisons-là qui font que Roger participe à Roland-Garros. Bon choix pour toi. Alors là, ça va être du tennis fiction, hein, mais pourquoi pas une blessure de Nadal ? C'est triste à dire, mais Nadal n'est pas tout le temps épargné. C'est pas tellement de la fiction que ça. Pourquoi pas une blessure de Nadal ? Alors après, ça ne veut pas dire que si Nadal... Il y a Tim, par exemple, qui est très très fort sur terre battue, mais pourquoi pas ? C'est là même, je disais que j'avais la sensation qu'il était un petit peu immortel. On se dit que sans Nadal, d'ailleurs, le seul tournoi de Roland-Garros qu'il a gagné, c'était quand Nadal a été éliminé par Söderling. Il a battu Söderling en finale, donc pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'on a peut-être cet effet du baroud d'honneur qui peut arriver. On l'a vu à Bâle. Bon, à Bâle, il est chez lui, donc on le sait, c'est régulièrement lui qui remporte le tournoi. Mais sur l'effet, peut-être mon dernier Roland, le public français l'adore, donc va certainement être derrière lui, peu importe son adversaire, même s'il y a des chouchous. Bon, en cas de français, ça risque d'être partagé, mais je pense que éliminer un français par Federer, personne ne lui en veut. Oh, bah ça, mais le tennis est particulier sur ça. Surtout Federer est particulier sur ça, je pense. Même Nadal, même Djoko, je pense que si tu demandes à des Français leur joueur préféré ou le joueur le plus populaire, je ne suis pas sûr qu'ils te sortent tous un Français. Au foot, on va dire Mbappé, parce que voilà, c'est un Français, on va le porter. Au tennis, je pense que Federer, Nadal et Djokovic partagent les points. C'est très affectif, même quelqu'un comme Del Potro est énormément aimé par le public. Par le public mondial, d'ailleurs. Donc on fonctionne beaucoup à l'affectif dans le tennis. Après, c'est vrai que le tennis, c'est un jeu quand même plus... On parlait du foot tout à l'heure, spectaculaire, du 1 contre 1, donc forcément ça renforce un petit peu le sentiment d'identification. Bah c'est pas un sport d'équipe, oui. Du coup. En tout cas, on parlait des Français. Dans quelques instants, justement, on va parler des derniers quarts qui se jouent dans la nuit, et notamment un certain Lucas Pouille. À tout de suite. Tu veux écouter Studek Web ? Pas de soucis. Retrouve-nous sur le site www.studioecoledefrance.com, onglet Web Radio. Tu sors du travail ou des cours et tu veux te détendre ? Alors écoute la Web 2 de Studek Web. Toutes tes musiques préférées sont à l'intérieur avec beaucoup d'infos. T'es dans les transports et tu veux décompresser ? Écoute Studek Web 1 et viens t'amuser avec les animateurs de demain, rythmés par des titres phares et des chroniques délirantes. Studek Web est vraiment fait pour toi et pourquoi pas par toi. Studek Web, la radio du studio École de France. Les titulaires sur Studek Web. Vous êtes sur Studek Web dans les titulaires et c'est le moment d'être fier parce qu'après les éliminations de toutes nos filles, après l'élimination de mon fils, de Tsonga, d'Herbert, il n'en reste que plus qu'un. Lucas Pouille va disputer son troisième quart de finale de Grand Chelem après Wimbledon et l'US Open avec une performance solide contre Coric. Il avait concédé le premier set, il a fini par s'imposer. Maintenant, ça va être quand même une autre paire de manches avec en ligne de mire Milos Raonic. Bah, la question, elle est simple, messieurs, est-ce que Lucas Pouille peut le faire ? Oui, mais je ne vois pas Lucas Pouille le faire. Ah. En trois matchs contre Raonic, il ne lui a pas pris un seul set. Raonic est peut-être inconstant, mais quand il est au top de sa forme, on sait que c'est du très lourd. Donc voilà, en plus, on a, je pense, cette culture de la jouer petit bras une fois qu'on fait un gros tournoi. En ce cas, parce que quart de finale pour un Français, c'est considéré comme un gros tournoi, en tout cas en France. Donc je ne vois pas Lucas Pouille le faire maintenant. Je ne pense pas non plus que c'est impossible. Après, Lucas Pouille, on l'a vu, c'est peut-être quand il est au pied du mur qu'il s'en sort le mieux. Bah là, ça jouera sur le mental. Raonic, un gros serveur, un gros cogneur, Johan l'a dit. Ça jouera en mental. Il faudra être fort sur les jeux de retour. Il faudra mettre tous ces jeux de service. Parce que si tu te fais breaker contre Raonic, autant te dire que tu ne vois plus le set. Hein. mais Pouille peut le faire. Il est dans la forme de sa vie. Puis surtout, il y a quelque chose qui a changé avec Pouille, c'est l'entraîneur. Amélie Mauresmo, je pense, lui apporte un peu. Et la culture de la gagne, notamment. Mais voilà, Pouille, c'est un grand talent. Il est jeune, il a 24 ans, 25 cette année. Il peut aller loin, il peut aller en demi et ça serait possiblement une demi face à Novak Djokovic. Donc pourquoi pas. Après, ça dépendra. Donc Novak Djokovic qui joue contre Nishikori. Mais on va rester quand même sur Lucas Pouille. On le sait, la physionomie du match, on parlait des services, ça va être hyper important parce qu'on le sait. Donc Raonic, c'est peut-être l'un des plus gros serveurs du circuit. C'est le meilleur serveur. Le meilleur serveur du circuit avec en plus une surface qui est favorable au gros service parce qu'autant la terre battue, ça ralentit. Là, ça fuse. Donc, est-ce que là-dessus, Lucas Pouille peut espérer, même avec un retour qui est pas mal, mais Lucas Pouille, c'est pas le plus grand défenseur qu'on ait vu dans les Français. Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a quand même un petit espoir ou est-ce que tous les jeux de service ils vont partir chez Raonic? C'est parti pour que ça aille normalement du côté de Raonic. Maintenant, Puy peut faire quelque chose, notamment au niveau du mental, Johan l'a dit. Raonic est parfois inconstant, il l'est même assez souvent. Et Lucas Puy, en puisant dans ses forces mentales les plus profondes et en poussant le match, je pense, en au moins 5-7, s'il y a 2-7 partout, pour moi, ça peut tout changer. Mais vraiment, je pense que Raonic peut très bien totalement lâcher le match mentalement. Mais on sait que Lucas Puy également. Donc ouais. C'est un petit peu problématique, mais en même temps, c'est hyper excitant, ce genre de match, parce que Puy peut le faire. C'est un talent, c'est un vrai talent. En attendant, on le connaît depuis un moment, vu qu'on le connaît depuis très jeune, donc on a tendance à penser qu'il a un certain âge. Non, il a 24 ans. Après, l'avantage qu'a Puy, c'est qu'il part sans pression. Raonic est mieux classé que lui. Raonic a déjà fait des demi, notamment à l'Open d'Australie. Donc, et une finale à Wimbledon. À Wimbledon, la même année d'ailleurs. La même année, ouais. Et oui, il était très bien classé d'ailleurs, Raonic. Il était troisième mondial, il me semble. Ouais, tout comme Zverev avait été troisième mondial également. Exactement. Donc, Puy n'a rien à perdre. Et tu parlais des services, mais chez les hommes, tu ne dois pas perdre ton service. À moins que tu t'appelles Nishikori, tu sois excellent sur le retour, sur le jeu de retour et un peu nul au service. Puy sert très bien. Donc, normalement, il doit gagner tous ses jeux de service. Je pense qu'en termes de talent, il est devant Raonic. Parce que Raonic, alors pour moi, c'est un serveur, un coup droit, c'est tout. Il n'a pas de jeu, il n'a pas un bon jeu de jambes, il est pas excellent à la volée, il est dans le petit jeu, il n'est pas bon. Puy sur ça est meilleur que lui. Et donc, voir un Français en demi, alors qu'on sort d'une saison extrêmement décevante pour les Français, et c'est peu de le dire. Hein. Le premier Français, c'est Gasquet qui est 26e. Et Gasquet qui n'a pas participé à l'Open d'Australie. En tout cas, Lucas Puy, qui a changé ces derniers temps, qui a surtout changé d'entraîneur, est-ce que ça a provoqué quelque chose chez lui? On parle avec Murat Oglou. Un entraîneur, c'est là pour faire des résultats. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi. Il est dans une période de doute et il démarre l'année de la meilleure des manières. Donc ça, c'est le premier indicateur. Et ensuite, si on parle de son jeu en particulier, il y a clairement des choses qu'il met en place qu'il ne faisait pas avant. Par exemple, sa position en retour de service sur deuxième balle, il a beaucoup plus d'intention de jeu. Murat Oglou, donc, au micro d'Eurosport. Est-ce que vraiment la reprise en main par Mauresmo, ça a métamorphosé Lucas Puy ou est-ce que ça a juste fait que poursuivre une progression linéaire? En France, on a une certaine culture de la belle défaite, notamment au tennis. C'est pas moi qui vais te contredire. Eh bien, Mauresmo, c'est la culture de la gagne. C'est la culture, je pense, qu'il faut à nos joueurs français. C'est une joueuse qui a gagné des tournois du Grand Chelem, qui a gagné des Masters, qui tout simplement a étalé là une bonne où joueuse, numéro 1 mondial, numéro 1 mondial, qui est allé là où beaucoup de joueuses de tennis ne sont pas allées ni de joueurs. Même joueurs d'ailleurs. Donc en fait, avoir une culture de la gagne au milieu un peu de cette culture de la défaite courageuse, je pense que ça ne peut faire que du bien à Lucas Puy. Puis ça peut optimiser son talent. Hein. J'en parlais de son talent. Mauresmo, elle est là pour faire grandir Lucas Puy, qui, je l'ai dit, il est très jeune. Hein, et quand il a fait ses quarts, il avait que 22 ans. Hein. Ouais. Ses quarts en Grand Chelem, c'était en 2016, il avait que 22 ans, on le voyait comme le futur du tennis mondial. 24 ans dans ce circuit-là. Et dans ce cycle-là en plus. Voilà, c'est très jeune encore, hein, parce que si on revient 10 ans en arrière, 24 ans, c'était déjà pas mal vieux quand même. Voilà, Nadal avait déjà 25 Roland-Garros. Non, mais voilà, 42 Wimbledon. Mais maintenant, 24 ans, oui, c'est le moment où il peut aller chercher... On peut aller chercher une belle victoire et même une demi. Hein. Si une demi, tu te fais éliminer par Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui sort de deux tournois du Grand Chelem vainqueur. C'est pas non plus une contre-performance. Donc, autant qu'il y aille jusqu'au bout. Bah, en tout cas, il est là pour aller jusqu'au bout. On espère qu'il va aller jusqu'au bout. Mais on parle un petit peu donc, des entraîneurs dans le tennis. On connaît beaucoup plus les entraîneurs dans les autres sports. Mais dans le tennis, en fait, on voit beaucoup les entraîneurs dialoguer avec les joueurs entre les points, entre les jeux. Ils n'ont pas le droit entre les points. Entre les jeux, entre pardon. Les points, ils n'ont pas on a même vu certains échanges très sulfureux entre entraîneurs et joueurs. On pense à Caroline Garcia, je crois, qui avait envoyé complètement balader son entraîneur. On peut penser à Élisée Cornet. Ouais, Cornet. Moi, je pense surtout à Élisée Cornet. Élisée Cornet, il faut appeler son entraîneur et son copain aussi. Et si elle peut l'envoyer paître, elle le fait. je crois qu'il a pas dû. La soirée a dû être un peu mouvementée là chez eux. Ah ouais, j'aimerais pas être ce soir chez eux. Mais du coup, est-ce que justement ces échanges-là entre les jeux, ça peut avoir une influence sur le match ou est-ce que c'est plus vraiment de l'ajustement? Bien sûr que ça peut avoir une influence. Après, ça peut être des conseils tactiques. Après, faut avoir la possibilité de le faire. Tout simplement. Si on n'est pas dans un bon jour, ton entraîneur peut te donner toutes les tactiques que tu veux. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. C'est exactement ça. Si tu n'arrives à rien, tu peux te retourner autant de fois que tu veux. Si c'est pour parler avec beaucoup de frustration, tu perds plus de l'énergie qu'autre chose et ça ne te rapporte absolument rien dans le match. Rien de bon, en tout cas. En tout cas, il est bientôt 19h sur Studek Web. On va parler bientôt de football. On va rappeler d'abord les horaires. Lucas Pouille donc contre Raonic, c'est demain matin pour les Leftos, 4h15. Le dernier quart verra donc s'affronter Djokovic et Nishikori à 9h30. Chez les femmes, Svitolina affronte Osaka à 1h. Et le gros duel donc entre Serena Williams et Pliskova, c'est à 3h du matin. Dans quelques minutes donc, on va parler foot. Juste le temps de faire une petite pause musicale avec Paradise d'Offenbach sur Studek Web. Il est 19h sur Studek Web, les titulaires, ça continue. Les titulaires sur Studek Web. La première donc de 2019, ça continue sur les titulaires et je peux vous dire que la tension est montée d'un cran. Quentin et Kevin sont revenus dans le match puisqu'on va parler football et forcément on va parler du derby. Lyon qui s'est imposé dans les derniers instants du match par un but de Moussa Dembélé. Amouma avait ouvert le score, Fekir a égalisé sur pénalty avant que la sentence et la finition de l'ancien du Celtic ne viennent terminer cette rencontre. On débriefe ça tout de suite, mais d'abord Kevin, tu nous le disais dans ton journal, il y a des matchs de Coupe de France en ce moment, est-ce que les scores ont bougé? Alors oui, Andrézieux a marqué 1-0 contre Lyon-Duchère, c'est but de Lenny Léonil à la 15e minute, et il y a Guingamp aussi qui a ouvert le score contre Nancy avec un but de Ronny Rodelin à la 25e. On rappelle Andrézieux, équipe de National 2 qui joue donc contre Lyon-Duchère, équipe de National 1 donc un palais supérieur. Et qui avait éliminé Marseille. Qui avait éliminé Marseille, donc Andrézieux qui continue sur sa bonne lancée. Et on parlait d'Andrézieux de Lyon, c'est un petit peu dans le coin d'un autre match qui s'est déroulé ce week-end, donc le derby Lyon-Saint-Etienne. On arrive donc à ce derby que Saint-Etienne a laissé filer. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, Yohan? Que Saint-Etienne perd le match bêtement. Alors ce que je retiens avant tout déjà, c'est que c'était un magnifique derby. Franchement, c'était un super match, c'était très très agréable à regarder. Mais je vais vous le dire, c'est le plus beau match de Ligue 1 pour moi depuis le début de saison. C'est vrai, au niveau de l'adversité, surtout en termes d'intensité. C'est une possibilité, on pointe notamment le match exceptionnel d'Anthony Lopez. Je pense qu'on oublie un petit peu celui de Stéphane Ruffier, comme il est celui qui a perdu, forcément on en parle moins. Mais franchement, Lopez et Ruffier se sont rendus coup pour coup. Ce qui est dommage, moi du coup ce que je retiens, c'est que Saint-Etienne perd le match sur une erreur de débutant, comme l'a si bien dit Loïc Perrin. Il y avait 50 secondes encore à jouer dans le temps additionnel. Lyon mangeait littéralement Saint-Etienne depuis sur les 10 dernières minutes, à part l'occasion énorme de Cazeri, il n'y a rien eu du côté de Saint-Etienne. Il reste 50 secondes, Dembélé rate une occasion énorme, tu prends ton temps. tu prends ton temps. Ce match doit finir en match nul, c'est écrit. Il doit finir en match nul, vous vous rendez coup pour coup, mais ça ne rentre pas. Et non, il s'est passé exactement 22 secondes entre la tête ratée de Dembélé et son but. 22 secondes, c'est pas possible dans un temps additionnel quand t'es autant dominé, c'est pas possible. Surtout une erreur de relance comme ça. Alors pour faire une petite confidence hein, sur ce match, on en parlait ensemble, hein, on a un petit groupe et on se disait ça va pas finir à 1. Visiblement, Johan pensait que si, mais non, ça pouvait pas finir à 1. Moi j'ai cru que si, moi. je pensais aussi. Loïc Perrin nous a donné raison, Quentin. Oui, bah après, il nous a donné raison. C'est vrai que après les Stéphanois ne sont plus dans la partie en seconde période. C'est vrai que malheureusement ils sont un petit peu punis à la fin, mais voilà, en l'espace de 20 secondes, t'as Ruffier, il fait une relance, il n'a pas le droit de faire cette relance. Et derrière, t'as Colo, qui la redonne directement à Fekir. Ouais. T'as pas le droit. Dubois, je crois. C'est Dubois qui centre. C'est Dubois, ouais, c'est Dubois. C'est d'ailleurs Dubois qui fait une très très bonne rentrée. Ouais. Dubois est rentré et il a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Sur les deux occasions, la tête ratée de Dembélé et le but de Dembélé, c'est deux centres de Dubois. Donc c'était vraiment évitable. Mais moi, je trouve qu'il y a eu un problème. Je te redonne la parole, Quentin, excuse-moi. Il y a eu un problème de précipitation chez les Stéphanois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tout le match, il y a eu un problème de précipitation. Je repense à Cazeri, qui tente par trois fois de lober Lopez de 70 mètres. Non, au bout d'un moment, garder la balle, essayer de construire. C'est ça que Lyon a mieux fait. C'est de la construction du jeu. Lyon a eu la possession et a réussi, au bout d'un match énorme, à marquer. Et surtout, au micro de Canal+, Ghislain Printemps, donc l'adjoint de Jean-Louis Gasset sur le banc de Saint-Etienne, qui a dit il faut qu'on prenne notre temps, il faut qu'on construise. Il a été interviewé, je crois, deux fois. Il l'a dit deux fois. Il a dû sûrement le dire à la mi-temps. Il y a un moment, il faut que le message y passe, Quentin. Oui, bah c'est ça. Bah, après, je pense qu'il y a eu, une grosse frustration à partir du moment où Lyon a égalisé sur pénalty. Ça a duré tout le match quand même. Ça a duré. Pas sûr, je suis pas sûr. Après, en première période, ils étaient quand même beaucoup mieux. Les Stéphanois. Les 20 premières minutes. Ouais. Par rapport aux Lyonnais, les Lyonnais ont eu du mal à rentrer dans la partie parce qu'il y a eu un pressing vachement haut de la part des Stéphanois. Mais après, voilà, ils sont déconcentrés, ils sont désorganisés. Malgré ça, tu avais quand même un schéma qui était en place, qui était là, mais je sais pas, ils ont voulu fonctionner en contre-attaque et ils se sont précipités. Et voilà, sans Lopez aussi derrière, ça aurait pu faire mouche, mais bon. Il y a également les limites en fait, de cet ajustement tactique de Jean-Louis Gasset qui évolue depuis 2-3 matchs en 3-5-2. En 3-5-2, Selnes et Mvilla ne brillent pas du tout. Je pense que Selnes et Mvilla sont les deux gros points forts avec Cazeri de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Et en 3-5-2, les deux brillent beaucoup moins. Donc c'est compliqué, je pense, pour Saint-Etienne, qui s'appuie essentiellement sur ces deux milieux, de pouvoir briller, notamment en contre-attaque, face à une équipe aussi joueuse et aussi forte techniquement que l'Olympique Lyonnais. Non, c'est sûr. Après, le problème, c'est que, en l'occurrence, à ce moment-là, tu ne peux pas vraiment mettre d'autres schémas tactiques, étant donné que ton seul latéral droit, à savoir Debuchy, a replongé à l'entraînement. À l'entraînement de ce match. Ça se tente, Monet Paquet latéral est excellent depuis qu'il est repositionné. J'en reparlerai tout à l'heure, mais tu verras que Monet Paquet est meilleur dans un rôle de 3-5-2 qu'un rôle à une défense à 4, de pur latéral. Parce qu'il il garde quand même cet apport offensif qu'il n'aura pas forcément. Donc après, voilà, ça se discute. Mais à un moment donné, c'était déséquilibré, d'autant plus que Genesio a fait un choix tactique en revenant à une défense à 4 dès le début du match, chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Très rapidement, Johan, tu parlais de Mvilla et Selnes qui n'ont pas brillé, qui ont été plutôt mis un petit peu au vide par cette tactique. Est-ce qu'un renfort comme Johan Cabaye pourrait être la solution pour un peu plus faire briller ce milieu de terrain? Je vais même aller plus loin, ça pourrait être la solution. Je pense que ce qui manque à Saint-Etienne, c'est une transition offensive-défensive d'un joueur qui a un vécu international, Johan Cabaye. Ça c'est fait. Après, donc, ce sont des. Ça c'est très rapide. D'accord. Ça s'est placé. Futur PDG de la. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Hein. Ça fait plusieurs fois que Johan et Quentin nous proposent des choses pour Saint-Etienne, et que dans les titulaires globalement on propose des choses. Moi, je vous le dis, un jour on va percer. Et là, les clubs vont beaucoup mieux tourner. En tout cas, Canal+ a sa palette. Nous, dans les titulaires, on a notre focus. Et le premier numéro, il va être pour Quentin. Tu as choisi de te pencher sur un joueur justement. On en parlait, Kevin Monet-Paquet. Alors oui, exactement. Alors justement, vous allez me demander pourquoi lui, parce que. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? C'est loin, mais c'est très loin d'être un joueur fantastique qui est essentiel à l'équipe. Mais comme le disait tout à l'heure Johan, c'est tout simplement parce que depuis quelques matchs, depuis qu'il est repositionné en tant que latéral droit et que Gasset est passé une défense à 3 et surtout que Debuchy s'est blessé, bah, il est relativement bon, je trouve, dans son couloir. Il se débrouille pas trop mal. Contre Lyon, il a été bien présent dans le couloir droit. Il s'est montré disponible. Il a tenté sa chance, notamment à la 42e minute, suite à un beau mouvement avec Cazeri en 1-2. Lopez a dû se coucher pour éviter le 2-0 à son équipe. Il a un registre intéressant parce qu'il a un beau volume de jeu. Il a réussi 60% de ses passes lors du derby. Il a seulement perdu 2 ballons sur 44. Donc des stats qui sont assez honorables pour lui. Si, ça a été confirmé. Ouais, 60%, c'est pas c'est ouf, faible. Hein. À partir de 80%, c'est bien. 60%, à partir de 80%. Oui, mais oublie pas que tu t'appelles Monet Paquet. Oui, mais même, peu importe. Ouais. Donc voilà, donc il a tenté d'être un petit peu plus offensif en seconde période. J'ai bien dit tenter parce que globalement, dans le secteur offensif, il manque de justesse dans le dernier geste et aussi dans ses dribbles. En même temps, quand tu as une équipe stéphanoise qui s'est fait littéralement dominer en seconde période et que tu t'appelles Kevin Monet-Paquet, que tu as inscrit 22 buts en 180 matchs, toutes compétitions confondues avec Sainté, alors que tu es attaquant, bah, c'est compliqué d'être crédible. Ça fait 5 ans qu'il est à la Saint-Étienne. Il est respecté à la fois par sa loyauté, mais surtout par sa combativité, qui a été sa principale force. Et encore, on l'a vu sur le derby. Et pour durer encore sur le terrain, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux pour lui qu'il se considère définitivement comme un latéral ? On sait que notamment sous les ordres de Gasset, de Galtier, il avait refusé ce poste-là. Donc monsieur, je vous demande, est-ce que ça ne vaut pas mieux pour lui qu'il reste à ce poste, sachant que ça avait marché pour des gens comme Jérémy Pied, Malcuy, Bounassar ou encore Florenzi à l'Ice Rome. Oui. Voilà. Comme ça, au moins, la réponse de Yoann est claire. Après, petite confidence, c'est moi qui lui ai demandé de faire court parce qu'on est un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Merci Quentin pour ce focus. Merci Yoann pour ton apport absolument pertinent. Il est 19h08 sur Studek Web. On le disait en Ligue 1, la surprise du week-end, c'est à Louis II où Monaco s'est fait fesser 5 buts à 1 par Strasbourg. On en parle dans 30 secondes. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. But I'll give you everything. Les titulaires sur Studek Web. On le disait, il y a eu deux résultats à choc ce week-end en Ligue 1, bien sûr. On va parler des deux et on commence par la claque prise par Monaco à domicile. L'ASM qui vit une saison 2018-2019 vraiment très compliquée. Et si Jardim est terminé en cause, on voit pas vraiment d'amélioration avec l'arrivée de Thierry Henry. Pour leur boulot dans le Canal Football Club, le problème vient aussi du nouveau coach monégasque. Pour dire que le recrutement était très cohérent et avec beaucoup de joueurs d'expérience. Après, moi, là où je suis un peu inquiète, c'est plus que pour moi, Thierry Henry, c'est quelqu'un qui a connu en tant que joueur que le haut du tableau, que des top clubs, avec des entraîneurs. Il a entendu des discours d'entraîneurs qui n'ont connu que le haut du tableau. Donc c'est sûr que son manque d'expérience, plus aussi ce manque d'expérience-là de ces moments difficiles, je pense qu'il ne sait même pas quel discours avoir avec des joueurs qui luttent pour le maintien. On le voit, un Thierry Henry nerveux, parfois qui se laisse un petit peu dépasser par ses émotions dans ses mots. Est-ce que tu es d'accord avec leur boulot, Kevin ? Est-ce que c'était finalement pas l'homme de la situation ? Alors, je suis d'accord avec elle pour dire qu'en tant qu'entraîneur, arriver à Monaco dans cette situation-là où ils sont relégables, ça doit être très compliqué. Et vu qu'il n'a pas encore connu ça en tant qu'entraîneur, je dis bien en tant qu'entraîneur, et en tant que joueur non plus. Du coup, ça, c'est très compliqué pour lui. Après, c'est un joueur d'expérience. On ne dit pas le contraire, mais... Je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est autre chose. Et pour avoir passer le bon message aux joueurs, c'est très compliqué en sachant que déjà dans leur tête, d'être à cette place, c'est compliqué en sachant qu'il y a... Il y a des attentes, sachant que l'année dernière, où il y a 2 ans, ils étaient limite au summum, c'est très compliqué. Thierry Henry, on prend ou on prend pas pour toi, Yoann ? Je pense que n'importe qui joue avec cette équipe de Monaco, se mettrait en mode galère, tout simplement. Il y a eu 36 joueurs d'utilisés depuis le début de la saison à Monaco. Cette équipe, c'est un puzzle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à l'infirmerie aussi. Cette équipe, c'est un véritable puzzle. Qui, à la place de Thierry Henry, pourrait faire mieux, sincèrement ? Entre les blessés, les recrues non recrues, les recrues éphémères, les recrues filantes, t'as tout type de recrues à Monaco. T'as la recrue qui va jouer un match, t'as la recrue qui va jouer 10 matchs, t'as la recrue qui ne va jamais jouer, t'as la recrue qui va être prêtée 4 fois. Ça ne sert à rien. Bah justement, tu parlais de recrue. Je me permets de rebondir sur Yoann. Le problème, aïe, c'est... Non, mais c'est ça aussi. Et ce que dit leur boulot très justement, c'est que les recrues ne tirent pas vers le haut. On pensait à Fabregas, à Naldo qui se prend un rouge, Fabregas qui fait une perte de balles honteuse pour un joueur de ce standing et il y a but derrière. Le problème, c'est peut-être ça aussi, c'est que Thierry Henry n'est pas aidé. Non, et puis moi, je suis surtout déçu par le rendement de Golovin. Alors oui, il a été blessé en début de saison, mais on attendait quand même, ça a été une des révélations du mondial, je dis bien révélation entre guillemets, il a pratiqué quand même un beau football. on pensait qu'il allait apporter, surtout que Monaco avait perdu Keita Baldé, on voit que c'est très très compliqué. Et encore, à la limite, je pense que par rapport à Fabregas, il faut des automatismes avec Tillmans notamment, ouais, qui, je pense, peut former une très très bonne doublette à l'avenir. Mais il faut du temps parce que tu sens qu'il y a une fracture psychologique au sein du vestiaire. Tu vois, je suis pas spécialement d'accord pour Golovin. Je serais plus d'avis de penser ça de Tillmans, qui ne confirme. Mais Tillmans n'a pas confirmé. Ça fait aussi plusieurs jours. En plus, Tillmans a le profil, on va dire négatif du joueur mercato, on va dire. C'est du joueur à revente. Ouais, voilà, de l'éternel espoir de celui qui est là depuis plusieurs saisons, mais qui n'arrive pas à exploser réellement au milieu de terrain. Et voilà, moi, Tillmans, pour moi, c'est quand même c'est l'image de l'échec du recrutement monégasque, pour moi. Après, la question, c'était aussi de savoir, est-ce que Monaco n'aurait pas mieux de prendre un entraîneur avec plus de bouteilles, avec plus de renommée, quoi. Ou de garder Jardim. Ou de garder Jardim, au moins, qui connaissait bien le club. Si mais je pense que Jardim était à bout du rouleau. Si Jardim n'a pas réussi, qui pourrait réussir? Jardim a... C'est la fin d'un cycle. Ouais, c'est sûr. Après, ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans qu'il était... À Monaco. À Monaco, ça faisait 6 ans. Monaco les a fait monter en Ligue 1 et arriver jusqu'au titre. Après, est-ce qu'il pouvait les sortir de là? Ça, c'est une autre question. Jardim n'a pas fait monter. Moi, j'ai une grosse peur. C'est si Monaco va en Ligue 2, est-ce que le club pourra se relever, en fait? C'est Ranieri qui a fait monter Monaco en Ligue 2. C'est ce que je me disais. Mais est-ce que le club pourra se relever s'il redescend en Ligue 2? Mais ça, écoute, j'en suis pas sûr. Monaco s'est relevé une fois. Ils pourront peut-être se relever une autre fois. En tout cas, un club qui s'est relevé après une élimination en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, pardon, c'est le Paris Saint-Germain. On les sentait frustrés de ce résultat face à Guingamp. On était vraiment curieux de voir ce que ça allait donner. Et on l'a vu. 9-0, triplé de Cavani, triplé de Mbappé, doublé de Neymar et but de Thomas Meunier. Mais par contre, Paris qui a perdu Marco Verratti sur blessure, sorti en première période. Et un Paris sans Verratti, un Verratti blessé, c'est peut-être inquiétant. Alors qu'on se rapproche du choc contre Manchester United. C'est surtout que ça relance l'éternel problème du milieu de terrain à Paris. Paris a peu de problèmes, mais le peu de problèmes qu'ils ont, ils sont assez importants. Franchement, ce problème du milieu de terrain, ils n'arrivent pas à le résoudre. Et Verratti, c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop. C'est un des problèmes. Je pense qu'un Verratti qui joue la totalité des matchs tout au long de la saison, déjà, ça aiderait Paris. Mais pour le coup, va falloir que Paris trouve vraiment un joueur capable de prendre le relais ou capable même de jouer également avec Verratti en tant que titulaire. Donc pour toi, il faudrait recruter dès le mercato d'hiver. À moi, je pense que oui. Surtout avec la nouvelle règle de l'UEFA qui fait que tu peux recruter un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions et le faire jouer quand même en deuxième partie de saison. Trois maximum. Thomas Tuchel n'est pas forcément du même avis que toi, Johan. Notre décision reste parce que Marco va revenir dans quelques semaines. On a gagné, à mon avis, Dani Alves sur cette poste. Et c'est très, très grave pour nous, mais ça ne change pas des choses pour le mercato. Donc Thomas Tuchel qui fait mine, en tout cas au minimum, de ne pas spécialement vouloir de recrues, même si on sait qu'officieusement le PSG prospecte. Il y a Paredes qui serait sur les tablettes. Idriss Agaï, on n'en a plus vraiment parlé. Mais en tout cas, Daniel Alves au milieu, est-ce que c'est une solution pérenne pour vous? Oui, c'est une solution pérenne parce que Daniel Alves, de toute façon, peut jouer à peu près partout sur le terrain. Mais je voudrais revenir. Je pense que Tourelle, dans ce qu'il dit, c'est pas qu'il veut pas de recrues, c'est qu'il veut pas changer ses plans parce que Verratti s'est blessé. Je pense qu'il y a toujours un milieu qui est attendu parce que c'est nécessaire, surtout avec l'histoire de Rabiot, on en reviendra. Mais oui, et pour revenir à Daniel Alves qui s'est joué à peu près partout sur le côté droit, qui peut jouer arrière droit, arrière latéral droit, c'est-à-dire un peu plus haut, qui peut jouer milieu central droit, assez au poste là où, à laquelle il évolue, même ailier droit. Donc ça lui permet aussi d'avoir cette qualité de passe mise en exergue. Et ouais, ça c'est bien parce que il a une qualité de passe longue, Daniel Alves, c'est juste incroyable. Mais on l'a vu notamment contre Guingamp. Kevin, tu voulais réagir aussi. Oui. Après, je comprends pas je suis d'accord avec vous que Daniel Alves et même Marquinhos qui occupe ce poste peut remplacer le manque d'effectifs. Mais à un moment donné, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que maintenant que tu as des fonds nécessaires pour avoir des très bons joueurs, je comprends pas qu'ils prennent. J'ai l'impression Ça, ils n'ont pas de milieu, ils ne veulent pas en acheter, ça leur va de prendre des joueurs et de les mettre à notre place. Bientôt, ils vont mettre Gigi Buffon aussi en 6, pourquoi pas. En Ligue 1, ça passe. Buffon a appris avec Pirlo, je vous ferai remarquer. Bon, en tout c'est cas, vrai. La solution, par contre, elle pourrait se trouver déjà au club. Elle pourrait s'appeler Adrien Rabiot. Est-ce que le club va être obligé de le réintégrer au moins à l'entraînement avec les pros? Est-ce qu'il faut le réintégrer sur la feuille de match? Moi, je pense. Oui, oui, bah, oui. Moi, je suis totalement pour. Puis en plus, il est en fin de contrat, je crois. Bah oui, bah, ouais, oui, oui, oui. Pas de contrat. À partir de maintenant, il peut s'engager avec qui il veut et partir libre à la fin de la saison. Non, et puis je veux dire, il a quand même prouvé au Paris Saint-Germain qu'il peut s'impliquer sur un match qui peut être plus qu'utile. Il peut avoir un très très bon niveau. Donc je veux dire, si jamais, par exemple, Verratti n'est pas remis pour United, Adrien Rabiot peut occuper le poste au milieu de terrain sans problème. Mais avant le match contre Marseille, qui lui a coûté cette place, et voilà, c'était le meilleur joueur parisien sur la pelouse. Hein. Il avait fait tous les matchs titulaires, il faisait des très très bons matchs. Je pense que Rabiot, ça serait une porte de sortie idéale de jouer, je sais pas, contre Manchester United et de faire un très grand match. Un très grand match. Et on se rappelle aussi, c'était sur une blessure de Marco Verratti qu'il s'était révélé au PSG. Ouais. C'était face au Real Madrid où il avait fait un match énorme. On s'attendait tous à se dire, oh là là, Rabiot qui rentre, ça va être compliqué. Bah, il met un poteau, il fait un match, il tue le milieu de terrain madrilène. Je pense que Rabiot a encore des frappes à faire. Et d'autant plus qu'il y a le journal L'Équipe qui vient de préciser que les discussions ont repris avec le Zénith pour Paredes. Elles ont repris aujourd'hui. Après, on connaît toutes ces rumeurs. Par contre, on va clore un peu cette page sur le PSG et Marco Verratti. On va s'intéresser juste après une petite pause. On s'intéressera à l'adversaire européen du PSG, Manchester United. Mais par contre, information qui vient de tomber là, selon L'Équipe, accord entre Mario Balotelli et l'Olympique de Marseille. Enfin, 6 mois après avoir résilié, Balotelli devrait s'engager avec l'OM. Il est attendu mercredi pour signer son contrat. On en reparlera sûrement donc dans une prochaine émission des titulaires. Mais là, on va les boîtes de nuit sont ravies. Les boîtes de nuit sont ravies. Voilà. Mais tout ça pour ça. On va parler en tout cas de football européen parce que le 12 février, donc le match du PSG contre Manchester United, un Manchester qui cartonne en ce moment. On voit ça juste après 30 secondes de pause. Écoute ta web radio préférée, envoie tes messages vocaux en un clic et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu, participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires sur Studek Web. On est de retour dans les titulaires. On parlait donc du PSG. On va jeter un œil sur son adversaire européen le 12 février prochain, Manchester United, qui n'a plus du tout la même tête qu'au moment du tirage au sort. Les Mancuniens qui restent sur 7 victoires consécutives depuis la reprise en main de l'équipe par Solskjaer. Est-ce que Paris doit avoir peur de ces Red Devils? Non. Non. Si Paris a son niveau, non. Alors, un peu quand même. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu peux avoir peur un peu quand même. Hein. De faire 7 matchs, 7 victoires en première ligue, c'est quelque chose. Hein. Allez, on va donc commencer par le non, Johan. Pour moi, non. On a tendance à comparer. Enfin, on a tendance. Les footeux ont tendance à comparer Manchester avec le Real de l'année dernière. Mais qu'on le veuille ou non, au niveau des effectifs, Paris reste quand même globalement supérieur. L'année dernière, même si le Real était mal en point, le Real avait quand même un effectif monstrueux. Cet effectif n'avait rien à prouver en soi. Alors que là, quand même, je pense que Paris est supérieur pour moi à Manchester United. Alors certes, Manchester connaît une belle période. Certes, Manchester joue très très bien. Et je pense qu'il y a un joueur qui est le visage de ce renouveau, c'est Paul Pogba. Ouais. Mais pour le coup, je pense quand même que Paris est supérieur à Manchester United. Alors est-ce que Paris doit se méfier? On l'avait déjà dit dès le début que Paris devait se méfier d'un adversaire comme Manchester United. Maintenant, est-ce que Paris doit avoir peur de Manchester United? Non, pour moi, non. Yann? Après, moi, je ne me méfiais pas de Manchester United. Je me méfiais de Mourinho. Oui. Parce que Mourinho, c'était le genre d'entraîneur qui blinde derrière et qui gagne 1-0. voilà, 0-0, 1-0 chez lui. Il a gagné. Le 2-1 à Turin. Le 2-1 à... Le 2-1 à Turin, c'est un match Mourinho, clairement. Et voilà. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que Solskjaer fasse ça avec Manchester. Reprenne Manchester, fasse 7 victoires. Bon, après ces 7 victoires, il n'y a qu'un seul gros qui a été joué, c'est oui. Tottenham. Le reste, c'est des petits clubs quand même. Il y a Cardiff, Brighton, etc. Brighton, c'est la dernière victoire. Et tu le disais, Pogba, pour compléter ce que tu disais, Johan, 5 buts, 4 passes D sur ces 7 matchs. Énorme. Je trouve ça incroyable. De toute façon, il y avait un problème Pogba-Mourinho. Je pense que maintenant, c'est clair. Il y en avait un gros. Et voilà, il avait juste besoin d'être libéré. Et ça va être la clé de ce match, de maîtriser Paul Pogba. Non, et puis pour moi, je pense surtout que pour le Paris Saint-Germain, la clé du match va être le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que s'ils arrivent à jouer à leur niveau, United, avec ou sans Pogba, je ne pense pas qu'ils pourraient rivaliser. Parce qu'il y a tellement une classe d'écart, je trouve, entre les deux formations, que ça peut sauter aux yeux. Après, si Paris n'est pas à son niveau, n'est pas à 100%, ils peuvent avoir des difficultés, d'autant plus que ça va très vite en attaque. Kevin. Bah, surtout aussi que, enfin, après, à Manchester, il y a beaucoup de joueurs qui se réveillent, on va dire. Lukaku, Rashford, bah, maintenant Pogba aussi. Et ces trois joueurs-là, ils commencent à se réveiller et ils font très très mal en première ligue. Alors est-ce que, après, ce sera pareil en Ligue des Champions, je ne sais pas, mais c'est des joueurs qui commencent à reprendre du galon. Et après, est-ce que ça pourra le faire contre Paris? Je ne sais pas, mais Paris, ça va être chaud. Ça va être chaud contre Manchester, je pense. En tout cas, Manchester United, donc, qui est cinquième en première ligue, on va jeter un petit œil juste un cran au-dessus du classement avec les quatrièmes, Arsenal. Arsenal, c'est l'objet... Manchester qui est sixième, non? Ils sont pas sixième, effectivement, ce week-end. Sixième et Arsenal cinquième. Qui est cinquième. On va donc, bon, on reste quand même un cran au-dessus. J'avais quand même un minimum raison, même si je me suis trompé d'un cran. J'avais 50%, quoi. J'avais 50%, comme voilà. Le taux de passe de Monet Paquet. Exact. Un peu moins, je dirais. Bon, c'est un carton rouge de Johan sur Quentin, et ça tombe bien, Johan, puisque tu as un autre carton rouge pour l'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery. Ouais, c'est sur Emery, un coup de gueule. Alors oui, il fait un bon boulot contre les petits, parce que c'est à peu près le même truc qu'avec Manchester. Il fait un bon boulot contre les petits, mais contre les gros, c'est pas trop ça. 5 points pris depuis le début de saison. Et encore, il y a eu les 3 points contre Chelsea ce week-end. Donc, c'était 2 points avant. C'est pas énorme. Il y a eu un 5-1, notamment une fessée infligée par Liverpool. Ouais, mais je supporte plus de le voir sortir Lacazette à la 60e minute à chaque match, alors que Lacazette est énorme cette saison, notamment le duo avec Aubame, qui est énorme. Il n'a fini qu'un seul match sur les 10 derniers quand il a été titulaire. Hein, parce que sinon, il n'était pas titulaire, il était remplaçant directement. Et d'ailleurs, Emery se fait siffler par les supporters. Et donc il n'y a pas que moi, même les supporters le sifflent à chaque fois que Lacazette sort, même contre Chelsea, Lacazette est sortie, les supporters ont sifflé Emery. Je trouve ça tout bêtement incroyable. Alors je m'adresse à toi, Unai, ça suffit, laisse Alexandre jouer s'il te plaît, merci. Voilà. Qu'Unai t'entendre, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu rapidement autour de la table? Je te trouve un petit peu sévère concernant les résultats face aux gros. Parce que Arsenal perd ses deux premiers matchs de championnat contre de gros au moment où c'était encore un petit peu en rotation. Et en fait, depuis, il y a quand même eu, malgré l'énorme défaite à Liverpool, il y a quand même eu une victoire contre Chelsea, une victoire contre Tottenham, un match nul contre Liverpool. Je trouve ça quand même plutôt pas mal, moi. Ce sont surtout ces deux premiers matchs de première ligue qu'Arsenal paye face au gros. Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Après, je suis d'accord sur le fait qu'ils sortent Lacazette. C'est vrai que ça peut paraître injustifié parce qu'ils forment un bon duo avec Aubameyang, ancien Lyonnais déjà, pour l'entendre, c'est déjà pas mal. Mais après, étant donné qu'il y a eu un enchaînement de gros matchs comme ça, c'était aussi pour le préserver parce qu'il sait qu'il est important pour l'équipe. En tout cas, donc, on en parlait, l'Arsenal-Chelsea qui est un des gros matchs de ce week-end au niveau européen. On va passer un petit peu la frontière, un petit peu plus au sud là, parce que l'Angleterre, ils sont une île, on ne sait même pas encore s'ils seront bientôt en Europe. On va revenir vraiment sur le football européen avec la Bundesliga et l'Allemagne. Et Dortmund qui a fait très fort encore une fois ce week-end en s'imposant 1-0 contre Leipzig. Dortmund qui est premier de Bundesliga à 6 points du Bayern. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts, Dortmund, cette saison, c'est dingue. Alors je les vois pas aller loin en Ligue des Champions. On parlait de Ligue des Champions parce que l'effectif est trop jeune et je pense qu'ils vont se concentrer sur la Bundesliga parce que c'est pas tous les ans qu'ils vont en gagner une, surtout avec le Bayern. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts dans le jeu, dans l'intensité, jeu direct. Qu'est-ce qu'ils sont beaux à regarder jouer. Qu'est-ce que c'est agréable de regarder un match de Dortmund, là où justement, depuis plusieurs saisons, on commençait à s'ennuyer face au match du Bayern. On se disait, c'était un petit peu... Alors, c'était lent, il ne se passait pas grand-chose. Il gagnait quoi qu'il arrive, que ce soit sur un gros score ou non. Là, Dortmund, on a les matchs à suspense. Et même les matchs où il n'y a pas de suspense, c'est juste un plaisir. C'est tu t'assois, tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux, tu regardes le match. C'est génial. C'est le foot qu'on aime. Alors, avant de bailler, il me semble que Kevin a dit un truc intéressant. Il me semble que tu as dit Lucien Favre. Je crois que c'est toi qui l'as dit. Non, c'était Quentin. Moi. Bah, c'est vrai que le coach. Tu te fais dénoncer pour rien en plus. J'ai entendu une voix qui disait Lucien Favre. Effectivement, on avait déjà ce jeu-là quand il était à Nice. Il est forcément pour quelque chose. C'est son identité. En plus, l'Allemagne, il connaît bien Favre. Avant de venir à Nice, il était respecté dans le championnat allemand. Là, on voit qu'il fait ses bails à Dortmund. En plus, il a un Sancho qui marche sur l'eau. Ouais, ça aide. Et voilà, il y a aussi Paco Alcacer. Paco Alcacer, quelle surprise, jetait pas une surprise. Énorme. On s'y attendait pas. Il s'était enterré à Barcelone. Il avait fait une bonne saison à Valence avant. Et là, il renaît. Mais c'est un joueur affectif et on sait que Favre aime bien redonner confiance à ces gens-là. Après Dortmund, il y a aussi, tu parlais de Favre, mais il y a aussi Klopp et il y a eu aussi Tourelle qui est passé par là. C'est un héritage. Hein. C'est exactement ça. C'est important. On va passer chez les voisins espagnols avec donc, les résultats des deux gros. Le Real qui s'est imposé 2-0 contre Séville, mais le Real qui reste à la traîne en championnat. C'est loin d'un voisin quand même. Le je me disais qui... l'Allemagne, l'Espagne, je me dis quand même la France entre les deux. Mais, non, mais je te parle de voisin de foot parce qu'entre les deux, on a un pays qui n'est pas vraiment un pays de foot. Je me rattrape comme je peux. En tout cas, ouais, le Barça qui s'est imposé et qui est en tête, est-ce que le Real va pouvoir essayer de rattraper le Barça en cette fin de saison ou est-ce que c'est compromis? Oula, son visage s'est décomposé. J'adore le Real Madrid, mais je ne pense pas. Le Barça, là, oui. Le Barça, Messi aussi qui est en feu. Dembélé aussi, malgré sa blessure là récemment. Mais non, je ne pense pas. Le Barça qui s'est imposé, donc 3-1 contre les Ganes. Tu voulais rajouter quelque chose d'ailleurs. Par contre, l'Atlético, ouais. Je pense que l'Atlético peut. Là, c'est pareil que Dortmund. J'espérais que c'est l'année la parole pour dire ça. Bah, voilà, mais l'Atlético, c'est un petit peu plus nuancé parce qu'ils jouent la finale de la Ligue des Champions à domicile et ils vont peut-être tout miser sur cette Ligue des Champions. On le saura. Ils vont tout miser sur tout, c'est Simeone de toute façon. C'est vrai que c'est rare qu'il y ait de l'économie d'énergie du côté de l'Atlético Madrid. Donc, c'est sûr. Forcément, jouer. Mais même si jouer la finale de la Ligue des Champions à domicile, ça peut quand même faire un petit truc, non? Ah, bah, ça donne envie. Mais surtout que là, ils ont un gros morceau tout de suite, c'est la Juve. Je pense que si l'Atlético élimine la Juve, ils deviennent automatiquement un des favoris du tournoi. Il reste que des favoris après, avec que des outsiders. Parce que je pense que la Juve est devant tout le monde. Mais après, ça serait très ouvert. Hein. La Juve qui est également leader en championnat d'Italie. Alors, pareil, leader incontesté. Oui, tout va bien. Tout va bien pour eux. C'est le petit bonhomme. Bah, la Juve commence à faire ce que fait le Bayern. On commence à s'ennuyer un peu devant les matchs de la Juve. Il y a Napoli qui pousse un peu derrière. Mais quand Dortmund poussait avant, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Naples, c'est le Dortmund italien, totalement. On peut peut-être dire que dans quelques années, donc on aura un Naples qui va faire la course en tête. Ah, ils l'ont déjà fait l'an dernier. Ils n'ont pas gagné. Peut-être pas suivre cet exemple du côté de la Bundesliga. En tout cas, ça on arrive bientôt à la fin de cette émission déjà. Kevin, est-ce que tu peux, juste avant ça, nous faire un petit point sur les matchs qui se déroulent en ce moment en Coupe de France? Je crois que les scores ont bougé. Oui, les scores ont bougé. Enfin, un score, celui de Toulouse contre Reims. Ah oui, c'est la Coupe de France. 1-0 pour Toulouse, but de Leia à la 44e. Et pour l'instant, c'est la mi-temps, donc rien de nouveau. Rien de nouveau, donc ouais, pour l'instant, donc, Toulouse qui gagne contre Reims, tu l'as dit. Andrézieux, donc, qui mène toujours contre Lyon-Duchère. Allez. On mise sur la qualif du petit. Le petit parcours d'Andrézieux un petit peu à la queville. Ouais, espérons. Il y en a toujours un. L'an dernier. Les Herbiers, là. Attention au club qui éliminera le PSG en Coupe de France, si c'est le cas, qu'il ne les affronte pas derrière en championnat. Je pense que le message est passé. Quand Paris est vexé, c'est pas bon. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On arrive à 19h30 sur Studio Web. C'est la fin de cette édition des titulaires. On revient bien sûr lundi prochain pour toute l'actualité sportive de la semaine. Merci. Les titulaires sur StudecWeb.